linceul. Je ferai voir le plus haut des gratte-ciels. Elle me dit arrête de mytho. On connaît dans tous les comicos. Tous les soirs tu fumes dans ta caisse. Je suis trop sensible, je veux pas que tu me blesses. Ma chérie, pourquoi tu t'inquiètes? Je ne suis plus un mec de test. J'ai laissé le démac élégant, même si ça me fait mal. Je veux être ton gentleman. Je veux que tu sois fier de moi. Les mecs comme toi, on les connaît. Y'a que pour l'oseille, vous êtes honnête. Donc arrête avec tes paroles. C'est que devant la juge que tu promets. J'ai sorti le camus. Histoire de le faire kiffer. Bébé, t'inquiète, j'fais des sous. Et je traîne plus dans la cité. Elle me prend pour un gros mytho. Elle me prend pour un gros mytho. Mais moi j'croyais qu'elle voulait juste le mytho. Elle me prend pour un gros mytho. Elle dit que j'ai géré toutes ces pincos. J'lui dis que j'vends plus la coco. J'viens de casser ma pute de picos. J'traîne de moins en moins avec les potos. J'ai mis de côté mon semi-auto. J'ai arrêté de faire des roues arrière en moto. Pour toi je ferai ce qu'il faut. Tu m'as pas vu faire. Tu peux pas dire que c'est pas vrai. Mais laisse-moi être ton prince. Je ferai de toi ma princesse. Je croyais qu'elle voulait me michto. En fait, elle me prend pour un gros mytho. J'ai sorti le camus, histoire de la faire kiffer. Bébé, t'inquiète, j'fais des sous. Et je traîne plus dans la cité. Elle me prend pour un gros mytho. Elle me prend pour un gros mytho. Mais moi, je croyais qu'elle voulait juste me michto. Elle me prend pour un gros mytho. Un mytho, un mytho, un mytho. Elle me prend pour un gros mytho.